paix et à vie. Oh, libre et mort, allume la France, frisons-nous, frisons-nous, et qu'elle est plus fourre sur la table, mais qu'elle est plus fourre sur la table. Que je cherche à m'étourdir. Non, plus d'amour, plus rien, rien.